chercher à comprendre pourquoi l'on est si bien. Mais plus rien ne peut séparer nos cœurs enlacés. Creux de la chute.